Exercice 8, page 156. A. Il est doux. Transformer. Elle est douce. B. Il est roux. Transformer. Elle est rousse. C. Il est faux. Transformer. Elle est fausse. D. Il est bas. Transformer. Elle est basse. E. Il est gras. Transformer. Elle est grasse. F. Il est gros. Transformer. Elle est grosse.